Chapitre 4. Calcutta et les Bengalis. Boulou et Ramjan. Le Strand. Le Jardin botanique. Le Théâtre Parsi. Le Palais du Roi Daoud. Ses serpents et son orang-outan fumeur. Chandernagore. Le prétendant birman Min Gun. Sombre souvenir. Départ pour Darjeeling. Damuk Dea. La jungle et les lucioles. 19 mars. Nous consacrons notre matinée à faire individuellement nos achats, à contrôler nos renseignements et à métamorphoser nos signatures en banknotes et en roupies. Ces diverses courses à travers la ville me font beaucoup revenir sur ma première impression et je conviens volontiers que Calcutta, au point de vue de l'animation, est une ville extrêmement curieuse. Les rues ne sont qu'une cohue d'indigènes coiffés de turbans de toutes les couleurs, de coulis, demi-nus, portant des charges énormes, de femmes de teintes diverses et non moins diversement drapées, de sépoys corrects, de saïs en veste courte et de péons à large baudrier se démenant au milieu d'un enchevêtrement de palanquins ballottants, de voitures de toutes formes et de charrettes à roues massives traînées par des bœufs ou des zébus. Note. Calcutta, chef-lieu du gouvernement du Bengale et capitale de l'Inde anglaise, est peuplée de 800 000 habitants. Sepoys, Sipais. Fin de note. Si on se représente cette Macédoine humaine, déjà passablement colorée par elle-même, inondée de lumière par les soins d'un soleil que je qualifierais d'électrique, on n'aura encore qu'une faible idée de l'aspect de Calcutta. Évidemment, les Anglais ont dû pousser l'amour du mercantilisme jusqu'à importer ici toute la lumière qui manque à leur brumeuse Albion. De midi à 2 heures, heure consacrée, nous faisons nos visites officielles. Notre arrivée à Calcutta, ayant coïncidé avec le départ du vice-roi pour Simla, nous prions le consul de France de faire parvenir à ce puissant personnage nos très respectueux hommages. Nos autres visites faites, nous regagnons l'hôtel où le Tiffin nous attend. Plus nous avançons dans l'Inde, plus ce repas prend des proportions gigantesques. Ici, c'est un vrai déjeuner dînatoire, beaucoup plus important que le vrai déjeuner. Note. Vice-roi, Son Excellence le Marquis de Ripon. Fin de note. Notre estomac lesté, nous passons en revue les divers sujets exotiques que notre hôtelier s'est chargé de nous procurer comme domestiques. Car dans l'Inde, il est impossible à un Européen de se passer d'un boy, sorte d'esclave libre, qui doit, premièrement, ne jamais quitter son maître dont il est l'ombre vivante. Deuxièmement, savoir quelques mots d'anglais. Troisièmement, parler couramment plusieurs idiomes indiens, principalement le bengali et l'hindoustani. Notre choix est plus difficile car il faut en outre que l'un de nos deux suivants sache un peu le français, vu notre ignorance de la langue de Shakespeare. Mon ami a la chance de mettre la main sur un Bengali de Chandernagore, réunissant toutes ses conditions et répondant en plus au doux nom de Boulou. J'en prends un très illettré qui a nom Ramjan. Le nommé Boulou est éthique et sérieux comme devait l'être Mahomet lui-même. Le mien est très joli garçon. Malheureusement, il ne comprend ni l'anglais, ni le français, ni même le provençal. Tous deux sont mahométans. Nos conditions étant faites et acceptées de part et d'autre, nous entrons immédiatement en jouissance après une première avance de 10 roupies faite à la famille des susdits citoyens, puis nous leur présentons nos malles et nos bagages et pendant qu'ils font connaissance, comme nous avons l'autorisation de visiter l'exposition universelle récemment fermé, nous nous y rendons. Au milieu d'un désordre bien légitime, mais bien complet, nous admirons nombre de vitrines remarquables. la section des princes indiens est surtout très intéressante. En retour, celle des produits du Tonkin nous a l'air relativement pauvre, malgré son intelligente installation. La poussière, l'encombrement et surtout la chaleur mettent promptement fin à notre inspection. Pour achever notre journée, nous allons au Strand, rendez-vous habituel du High Life. Le Strand est une belle promenade longeant la rive gauche de l'Ougli et à laquelle, du côté opposé, le Fort William sert de décor. Notre locatis prend la queue de l'une des quatre files de voitures aux livrées éclatantes qui garnissent ces Champs-Élysées tropicaux. Et votre serviteur saisit son bloc-notes. Nous croisons, vautrés dans leur calèche monumentale, des babous gras à éclater sous leurs transparentes enveloppes de mousseline blanche. Et des horizontales du cru, vêtues d'or, d'argent, de pourpre et d'aurore, promenant paresseusement leurs yeux immenses cerclés de mailles sur tout ce qui se passe, sans avoir l'air de rien regarder. Note, babou, bourgeois hindou. Maille, préparation pour agrandir les yeux. Fin de note. De loin en loin passe l'équipage d'un roi en rupture de couronne ou d'un raja autorisé à ne plus rentrer dans ses domaines. Chacune de ses hôtesses a sur son siège, à côté du cocher, un péon très enturbanné porteur d'une énorme canne d'argent ciselé. La canne est ici l'insigne du pouvoir présent et du pouvoir passé. Comme c'est ironiquement vrai. L'un de ces princes me frappe par sa maigreur et par une sorte de bandeau d'or cerclant ses cheveux plats. Ce promeneur important a l'air très fier de sa coiffure. Elle doit être cependant bien inoffensive, puisqu'on la lui tolère. Nombreuses armées bien armées, vaut mieux que couronne dorée. À travers cette succession d'enluminures, traînées parfois à la façon des anciens rois fainéants, papillonnent de brillants sauvards et des gardes à cheval à la culotte safran et au turban de feu. Note, sauvard, cipaille de la cavalerie. Fin de note. Ça et là, quelques taches plus sombres au milieu de ce miroitement. Ce sont les conquérants en redingotes irréprochables et en chapeaux à haute forme, correctement assis dans leurs landaus européens ou ébauchant dans l'allée latérale des canters que la température rend on ne peut plus méritoire. Sur le quai, toute une population de coulis se démène dans une poussière d'or, remplissant de ballots les cales des navires si nombreux et si serrés que les rayons du soleil couchant ont peine à se frayer un passage à travers le réseau de leurs mâts. Enfin, comme couronnement à ce tableau, le fort William étale sa face réjouie et contemple, avec les 100 yeux de ses canons pour rire, une sorte de défilé de féerie dont il a l'air d'être le souffleur. Tout à coup, la nuit tombe et la lumière électrique éclate, illuminant le square attenant au Strand et à l'esplanade. Après une courte promenade, dans ce parc fréquenté surtout par les nourrices, les ayas et les piou-piou de la garnison, nous regagnons nos pénates. Un superbe orage active notre retraite. Note, ayas, bonne d'enfant. Fin de note. Vers 9h, nous allons visiter dans le quartier du marché, situé derrière l'hôtel de Paris, les demeures consacrées au culte que protège la déesse Parvati. Note, Parvati, déesse de la beauté. Fin de note. La plupart des prêtresses de ce joyeux service sont très belles et très gracieuses. Leurs mains et leurs pieds sont d'une petitesse invraisemblable. Le bronze n'est pas plus dur que leur poitrine et de leur chevelure de jais, enguirlandée de fleurs de jasmin, s'exhale un parfum compensant agréablement l'odeur énervante de houka dont Calcutta est imprégnée. Au moment de m'étendre sur ma couchette, pendant que mon boy me déshabille, je constate qu'il a employé la majeure partie de la somme soi-disant destinée à sa famille à dévaliser un bijoutier indigène. Ses phalanges n'ont plus rien à envier à celles des bayadères de Villenour. 20 mars. Dès 6h du matin, je continue ma reconnaissance de Calcutta. Après le déjeuner, M. H. Blandford, un savant universellement connu et apprécié, doublé d'un homme du monde accompli, et M. E., le plus correct des gentlemen, viennent nous prendre pour nous faire les honneurs du jardin botanique de Calcutta. Leur chaloupe à vapeur nous attend au quai de l'Oubli. À peine embarqués, nous descendons ce fleuve avec une rapidité telle que celui-ci se venge en nous éclaboussant dru. Nous devons même un moment transformer nos ombrelles en parapluies. Au bout de 20 minutes, nous arrivons à l'entrée de ce jardin faisant sur la rive droite pendant au palais du roi Daoud. C'est un superbe paradénia, plus civilisé que le premier. Mais il faudrait être tout autre que moi pour parler d'une façon intéressante des productions merveilleuses entassées dans ce magnifique parc. Je remarque, entre autres curiosités, une pelouse immense envahie par les innombrables reproductions d'un seul banyan, des bambous colossaux, moins élevés cependant que ceux de Ceylan, des teks majestueux, des santals, des acajous, des ébéniers, etc. Les fougères arborescentes et les orchidées sont cultivées dans des serres formées d'un simple treillis de fer et de rotin. Pendant que nous admirons cet entassement de merveilles botaniques, de splendides éclairs déchirent les nuages massés depuis quelques instants au-dessus de nos têtes. Bientôt d'énormes gouttes de pluie accompagnent le concert tonitruant. Calcutta serait-elle la cité des orages? Nous nous réfugions dans un des bâtiments occupés par le conservateur du jardin. Un tip-top lunch nous y attend. L'orage a bientôt pris fin. Nous remontons en chaloupe et à 8h30, nous sommes de retour à l'hôtel. Nous allons dans la soirée au théâtre Parsi, où l'on nous reçoit avec une respectueuse considération. Nous sommes, il est vrai, les seuls Européens dans cette salle médiocrement installée. Sur une scène primitive, des acteurs du sexe laid, ridiculement peinturlurés et attifés de vêtements de mauvais goût, chantent sur un ton nasillard des rhapsodies tirées vraisemblablement des Mille et une nuits. Un orchestre non moins primitif met en relief les étranges motifs que dégoisent avec conviction ces cabotins de l'Extrême-Orient. Pendant ce temps, à travers la fente d'une loge grillée, une dame de la haute société parsi risque sur nous un long œil noir. « Un bel œil est bien fort, » dit-on. « Pas autant que l'ennui. » En effet, après avoir pris sur nos fauteuils les poses les plus variées que ce sentiment nous suggère, nous abandonnons la place, malgré le bel œil velouté de plus en plus noir. Un café-concert se trouve sur notre route. Nous y pénétrons à la grande joie des Allemandes, plus laides et moins bonnes musiciennes que celles de Port Saïd, mais opérant dans les mêmes conditions. Les consommations sont d'ailleurs à l'unisson de l'orchestre. Nous réintégrons dardard notre domicile. 21 mars, à 9h, le chancelier du consulat de France vient se mettre complaisamment à notre disposition pour nous faire visiter le palais du roi Daoud, ce collectionneur kakoshim de femmes et d'animaux. Au bout de 20 minutes de voiture, nous arrivons à l'une des entrées de cet établissement royal. À notre vue, le garde de faction A7-8 agite énergiquement son sabre avec force d'énégation. notre cocher arrête ses bucéphales sur les jarrets. Nous entrions dans le harem. Bigre ! Nous faisons volte-face. Une porte peu monumentale s'ouvre. Nous pénétrons. Des gens se courbent à droite et à gauche. Nous sommes arrivés. Le surintendant, des très menus plaisirs de sa hôtesse octogénaire, nous attend en robe de mousseline blanche, soutachée de noir. Il nous fait le salam d'ordonnance, puis nous donne le shake hand de la civilisation. L'installation du roi Daoud consiste en un immense parc assez bien entretenu, servant d'encadrement à tout un éparpillement de palais, de châteaux d'eau, de volières, de kiosques et de cages. Plus de 4000 serviteurs vivent au crochet de ce monarque, amateur passionné d'animaux, surtout de serpents et de perroquets. De temps en temps, des malins, parodiant la farce du rat à trompe, viennent lui offrir quelques nouveaux spécimens, soi-disant rares, de ces deux espèces. Par exemple, un serpent violet ou un perroquet lilas. L'excellent vieillard est enchanté. Malheureusement, à la première averse, la teinture des phénomènes disparaît, ni plus ni moins que celle de bien des gens de ma connaissance. Le monarque est furieux, mais comme il ne pleut qu'à des époques fixes, les mystificateurs ont soin de se donner de l'air avant l'ondée révélatrice. Après avoir visité une succession de ménageries bondées d'animaux curieux et parcouru de grands jardins bien dessinés, mais absolument livrés aux bêtes, nous arrivons au palais des serpents, situé non loin de celui des singes. Qu'on se figure une pile colossale et oblongue de grands obus en briques, dressés au centre d'une fosse rectangulaire à parois surplombantes, et l'on aura une idée à peu près exacte de cette bizarre construction. L'intérieur de chaque obus est habité par un reptile. Nous en voyons de toutes les espèces inoffensives. Beaucoup dorment. D'autres font une petite promenade de santé. Des jardiniers en rapportent quelques-uns qui ont profité de la nuit pour aller courir la prétentaine dans les massifs. Et, à côté de nous, un vigoureux enfant nu en tord deux, d'une jolie couleur feuille morte entre ses petites mains. Il me rappelle absolument un tableau de je ne sais quel maître de l'école hollandaise représentant la jeunesse d'Hercule. Le surintendant fait un signe. Des esclaves vident dans le phalanstère ophidien deux paniers de grenouilles. Aussitôt, messieurs les ovipares, sentant la viande fraîche, sortent de leur torpeur ou de leur distraction, ouvrent leur œil oblique, bâillent, s'étirent, s'allongent, appréhendent des infortunés batraciens par leurs parties les plus charnues qu'ils aspirent lentement. Puis enfin les ramènent, non sans lutte, de ces contribuables in extremis dans leurs obus où ils achèvent de les avaler. Dès qu'une grenouille est poursuivie, elle chancelle, s'arrête, se gonfle et reste complètement paralysée par les caresses terrifiantes de son ennemi. L'instinct de la conservation reparaît seulement à l'entrée de l'obus qui donne lieu à une lutte suprême. Pendant que nous assistons à ce festival étrange, un des charmeurs du roi nous donne le divertissement émouvant d'un combat entre deux serpents fouets. Cette lutte entre deux reptiles dont la morsure est mortelle se passe à nos pieds. Ces hideuses bêtes s'enlacent en sifflant et entrent dans une colère telle que l'impresario est obligé de se servir d'une fourche en fer pour remettre le plus furieux dans sa corbeille. Il parvient à saisir le second très adroitement au cou et nous fait voir ses crochets articulés et perforés plantés sur des glandes gonflées de venin. L'exhibition se poursuit par la montre d'un gros lézard couvert de pustules, d'un serpent minute et de trois superbes cobras capello. Nous continuons notre tournée par une visite au lynx de chasse. des chacals sont là, prêts à être égorgés par eux sur un ordre de nous. Nous nous gardons bien de le donner. On nous présente ensuite des béliers de combat, vivant dans une perpétuelle surexcitation. Puis nous traversons toute une armée d'animaux en liberté. Tantôt, nous montons sur des tortues gigantesques, taquinées par des ibis roses et des grues à tête rouge. Tantôt, il nous faut faire des armes contre des cerfs de l'Himalaya ou charger à coups d'ombrelle des casoars et des autruches qui avaleraient volontiers nos yeux comme apéritif si nous les laissions faire. Nous arrivons enfin devant un kiosque où un singe encore plus monstrueux que ceux déjà vus nous fait une horrible grimace tout en frappant de son poing assommoir sa poitrine velue. C'est le salam de cette brute dont la taille dépasse la nôtre de toute l'encolure. Cet orang-outan pousse l'amabilité jusqu'à nous donner une poignée de main. Après cet échange de gracieuseté, comme le sujet en question est un fumeur de profession, son gardien lui apporte son hookah. Il en tire d'abord avec délice quelques bouffées, puis sur un signe de son cornac, il souffle sur le charbon afin d'en activer la combustion. Et il fait cela en allongeant si démesurément ses lèvres monstrueuses qu'on dirait d'un soufflet formé de deux cuisseaux de chevreuil. Nous daignons rire. Notre escorte se pâme intérieurement. L'hindou ne rit jamais. Cependant, le soleil se transforme tellement en plomb fondu que malgré nos casques et nos ombrelles, notre promenade devient un supplice. Nous serrons la dextre au délégué royal, nous saluons militairement la parodie de garnison qui s'incline et à 10 heures, nous sommes à Calcutta. Notre déjeuner est rapidement absorbé car nous devons visiter Chandernagor et être de retour le soir même pour dîner à l'United Service Club, dont nous sommes également membres honoraires par décision gracieuse du comité. La gare de Hovra, située sur la rive droite de l'Ougli, que nous traversons sur un grandiose pont de bateau, a peine à contenir, malgré ses vastes dimensions, la foule d'indigènes qui s'y entassent. Les Indiens adorent voyager, et le gouvernement, dans l'espoir que ces déplacements finiront par faire disparaître les préjugés des castes, encouragent cette disposition naturelle en exigeant des compagnies qu'elles maintiennent pour les natifs leurs tarifs excessivement bas. En revanche, on empile ces malheureux, ou plutôt on les parque dans des wagons à barreaux de fer comme des bêtes féroces et on les y enferme à clé. Hindous et hindoues voyagent toujours en tenue numéro 1. Les femmes portant sur elles toute leur fortune mobilière pour la plus grande gloire du mari. Aussi sonnent-elles comme des chapeaux chinois et afin que la coquetterie ne perde jamais ses droits, ces dames, native females, ont au pouce de chaque main une bague dont l'énorme chaton en acier leur permet de se mirer tout à leur aise. Elles ne s'en font pas faute. Je remarque plusieurs Afghans, chevelus, carrés, immenses, superbes, sous leur péplum antique, se promenant avec un air de souverain mépris au milieu de ce troupeau d'Indiens qu'ils écartent de leur long bâton d'Ixos. Note. Ixos, pasteur primitif. Fin de note. Tout le pays au sortir de Calcutta, entrecoupé de forêts, d'étangs et de rivières, est ravissant. De grands singes blonds à longue queue se promènent paresseusement à l'ombre des bananiers. Des geais bleu turquoise, des guêpiers verts, des loriots d'or, des tourterelles et des perruches à collier voltigent de toutes parts. La moindre flaque d'eau est occupée par un banc d'échassiers. Chaque arbre possède au moins un vautour ou un aigle comme locataire momentané. Les fils télégraphiques eux-mêmes ressemblent à des chapelets dont les grains sont des oiseaux. Et notre train, courant à toute vapeur, ne les émotionne même pas. À la gare de Chandernagor, nous trouvons le gharry du chef de service, M. Clément Thomas, un de nos compagnons de route du Natal et du Tibre. Au bout d'un quart d'heure de voiture, sur une route percée à travers un fouillis d'arbustes, de bambous et de cocotiers, rappelant beaucoup celle de Ceylan, nous arrivons dans un village où les millionnaires ne doivent pas abonder, puis enfin, malgré un soleil féroce, à l'hôtel de M. Clément Thomas. Chandernagor a une importance nulle au point de vue commercial. Au point de vue politique, c'est un excellent poste d'observation et en même temps le refugium peccatorum martyrumque de l'Hindoustan, voire même de l'Indochine. Ainsi, dans le cas présent, le roi légitime de Birmanie, Min Kun, qu'une révolution a renversé et que les Anglais avaient entraîné très loin de son trône, à Bénarès, est venu s'y réfugier, fuyant ses protecteurs à façon de geôlier. M'est avis que ce prétendant birman fera un jour parler de lui. Mais revenons à nos moutons. Chandernagor, coquettement situé au fond d'une anse formée par un coup de l'oubli, se compose une rangée d'assez belles maisons, dont l'hôtel du chef de service au premier plan, de la cathédrale entourée de quelques habitations au deuxième plan, et c'est tout. Sans vouloir rien affirmer au sujet de sa propriété financière, je crains qu'elle ne laisse beaucoup à désirer. En revanche, la végétation est si luxuriante et cache si bien sous les fleurs ce que nous ne cherchons pas à voir qu'on ne peut qu'emporter un bon souvenir de ce petit coin de l'Inde française. Notre première visite est pour le révérend père B, qui depuis 40 ans bataille pieusement pour la construction de son église, presque achevée maintenant. Tout en nous faisant admirer son monument, auquel il ne manque que les cloches et les punkas, cet excellent prêtre, dont la mauresque et le casque blanc ne diminuent en rien la dignité, nous parle avec attendrissement de notre belle France qu'on ne quitte jamais sans regret, fût-ce même pour gagner le ciel. Nous visitons ensuite l'hôtel Villa Palais de M. Gourgeon et sa ménagerie particulière, reste d'un luxe inintelligent qui a vécu. Puis, après avoir donné un coup d'œil à la caserne des Cipaye, ces braves myrmidons de notre armée, et pris congé du chef de service, nous regagnons la capitale. En roulant vers Calcutta, de tristes pensées nous accompagnent. Pondichéry, Chandernagor, Karigal, Yanaon, Masulipatam, Mahé, Surat, en tout 59 000 hectares et une maigre compagnie de Cipaye. Voilà les restes de notre puissance aux Indes. Et cependant, il y a un siècle et demi à peine, la moitié de l'immense territoire hindou était soumis à notre domination et notre drapeau flottait triomphalement de la côte de Malabar à la côte de Coromandel, maintenu toujours déployé par le grand Dupleix, dont le génie et l'héroïsme avaient vaincu amis, ennemis et préjugés. Les feudataires du grand Mogol ne traitaient-ils pas de sœur sa femme, Johanna Begum? Je cours à fond de train, je ne ferai donc pas l'historique de nos malheurs trop connus, hélas. Je rappelle seulement que bientôt la jalouse et implacable Angleterre nous ravit la plus splendide des colonies, à force d'intrigues. Et à force de victoires, direz-vous. Soit, mais en combattant 5-1. Et n'oubliez pas que le plus grand de nos vaincus a été nommé le maître des Anglais. Note, le bailli de Suffren, reçu du sultan Eder Ali, le nom de maître des Anglais. Fin de note. Hovra, nous sommes arrivés à une autre fois, les sombres souvenirs. Un saut dans notre bain, un bond dans notre habit, et à 7h15, nous attaquons un imposant dîner au club. Après boire, nous parlons, entre autres choses, des empiétements de la Russie. Étonnerais-je quelqu'un en affirmant que les volettements de l'aigle noir, par-delà le Paropamisus, ont le talent d'agacer considérablement nos hôtes? 22 mars, je visite China Bazaar, où je me commande, chez un tailleur bengali, deux complets à la mode adoptés pour voyager dans ce pays. Ce costume consiste en un pantalon en toile de coton et en une sorte de veston de la même étoffe à collet droit qui permet de supprimer la chemise. C'est très pratique et peu cher. China Bazaar, situé au centre de Calcutta, est une agglomération d'indigènes de toutes les races, mêlant pêle-mêle leurs différentes industries. Sans entrer dans une description détaillée des innombrables boutiques de cette ville, dans la ville, je signalerai seulement que tous les cordonniers sont chinois. Les veaux et les vaches étant des animaux sacrés, les Indiens ne sauraient travailler leur cuir. Aussi, les Celestials, malins, en profitent-ils pour exploiter ces fanatiques adorateurs de bêtes à cornes. De China Bazaar, où l'animation est indescriptible, je me rends à l'hôtel de la Poste, dont le dôme rappelle celui de notre Panthéon, puis au monumental palais du vice-roi. Rien d'intéressant à y signaler. En arrivant à Calcutta, nous avons décidé que nous foulerions du pied l'Himalaya. Quo non ascendamus. Aussi, dès notre retour à l'hôtel, donnons-nous l'ordre à nos boys de déposer nos malles légères et de faire leurs préparatifs de façon qu'à 3 heures, nous soyons en route pour Darjeeling. Il fait 36 degrés et ces malheureux grelottent déjà à la pensée du froid qui les attend. Nous octroyons à chacun d'eux une belle robe en laine doublée de rouge et 2 couvertures. Ils se déclarent prêts à nous suivre au pôle. À nous, l'Himalaya! De la gare de Silda, que nous quittons à 3 heures, à Damukdea, où à 7h30 nous atteignons la rive droite du Gange, le pays n'a rien de remarquable. Nous traversons d'immenses plaines cultivées, mais desséchées à faire pleurer. De nombreux bouquets de bambous, peuplés d'oiseaux, et quelques oasis touffues, marquées par des villages aux cases terreuses, rompent seuls la monotonie de la route. Arrivés au Gange, nous montons sur un steamer à large roue qui dérape aussitôt. Une table est dressée sur le pont, sous une tente semi-moustiquaire, et tout en avalant ce qui nous tombe sous la dent, y compris les nombreux insectes excités, outre mesure au suicide par notre éclairage, sous cloche de verre, notre bateau traverse, avec infiniment de précaution, le large fleuve, au chant monotone et continu de nos sondeurs, au cliquetis des fourchettes et au bruit plus mat de nos mâchoires. Sur la rive gauche, où nous atterrissons au bout de 20 minutes, un rossignol aux puissantes trilles de cristal nous souhaite la bienvenue. Nous débarquons presque à tâtons, mais à quelques mètres du rivage, une sorte de long chat noir nous fixe de ses yeux énormes. C'est notre train. Nous l'enfourchons. Il miaule aussitôt et s'enfuit dans la nuit illuminée par des myriades de lucioles qui transforment la jungle en une mer d'étincelles dont l'éclat augmente encore quand nous traversons un lieu habité ou amarré. Cependant, il n'est si beau livre qu'à la fin on ne ferme. Mon boy, indifférent aux lucioles, m'a disposé mon rudiment de lit. Je m'y étends et je m'endors en rêvant que je suis une étoile filante. Fin du chapitre 4.